Il y avait dans le regard d'un de mes copains, qu'on appelait Jules, mais il lui disait que c'était pas ça son nom. Son nom de famille, je ne me souviens pas. Ou si, c'était Jules Desquin, oui, c'est ça. Jules Duquin, bon. Et Jules, il était souvent dans, comme disait l'instit à ce moment-là, « Tu rêves, Jules ?» Et Jules secouait la tête. Moi, je voyais qu'il avait le front plein de petites gouttelettes de sueur et que, de temps en temps, avec sa manche, il l'essuyait, son front. Et il tirait sur son col pour faire rentrer de l'air frais sur sa poitrine. Il écrivait, et l'instit acceptait à contre-cœur qu'il tienne sa tête avec sa main gauche. Au début, la réflexion était venue. On ne tient pas sa tête quand on écrit. Alors il avait arrêté de tenir sa tête. Ça s'adressait spécialement à lui. D'autres le faisaient, mais ne le faisaient pas pour la même raison. C'était peut-être pour regarder sur la feuille du voisin de droite ou de gauche. Ça permettait de faire un peu comme un paravent. Mais lui, il retirait sa main et on voyait qu'il... Moi, je le voyais. Il était plus petit quand il retirait sa main. C'était les moins droits. Et à la récréation, au bout de 10 fois, 20 fois que l'instit avait dit « On ne tient pas sa tête et on ne met pas son coude sur la table quand on écrit », j'étais venu près de lui, il s'était assis. Il y avait quelques bancs, des planches, là. Il s'était assis, là, et il faisait pas chaud. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu restes là? Si tu veux t'asseoir, va dans le préau, viens, moi, j'ai pas envie de rester dehors. Alors on était revenus tous les deux dans le préau, sous le préau. Il faisait peut-être moins froid. Et on était l'un à côté de l'autre, on n'arrivait pas à parler. Les enfants n'arrivent pas à se parler. Peuvent parler de jeu ou mentir de jeu. Mais est-ce qu'on pourrait nommer par la chose sérieuse? L'enfant ne parle pas d'une chose sérieuse. Je l'avais regardé dans l'après-midi, un peu sur le côté comme ça. Je voyais qu'il cherchait machinalement à relever sa main, plier son coude et appuyer sa tête dedans. Mais il l'a retiré tout de suite. Jules était un garçon obéissant. Il voulait plaire à l'instituteur. Et puis à un moment donné, il est, pour ainsi dire, tombé sur la table. Sa tête a fait comme ça. Puis hop, il s'est relevé. Et l'instituteur l'avait vu. D'autres aussi l'avaient vu. Les enfants sont durs. Il y en a un qui a dit, « Monsieur Jules, il dormait debout. Il y a sa tête qui est tombée sur la table. » L'instit n'avait pas cru ça. Il était venu vers Jules, et comme Jules était à côté de moi, presque à côté de moi, j'entendais ce que l'instit lui a demandé. Et ça a été une simple question. Tu te sens vraiment fatigué? Et comme Jules ne voulait pas être mal compris et qu'il ne voulait pas non plus parler de ça, il ne savait pas parler de ça non plus. Il avait dit « Non, monsieur, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, alors. » Alors le gosse qui avait dit « Il dormait, oui, monsieur qui dormait. » Et moi, je savais qu'il ne dormait pas. Jules savait très bien qu'il n'était pas tombé comme ça en dormant. Et l'instit aussi. À la sortie, à midi, quand moi je revenais chez moi et lui chez lui, on n'était encore jamais revenu côte à côte. Je me suis mis à côté de lui. Puis je lui ai dit, T'as mal ? Alors là, on abordait la question sérieuse, pour ainsi dire. Alors, il avait secoué la tête. Il n'avait pas pu dire non, il avait secoué la tête. Et moi, je lui avais dit, moi, j'ai mal des fois. Où ? Des fois, j'ai mal dans le dos. Ça te fait un point de côté ? Oui, c'est ça. C'est un point de côté. C'est comme quand on court et puis qu'on a un point là, tu vois, de ce côté-là, ou dans le ventre. Mais moi, c'est sans courir. Quand je monte dans les étages, je vais porter le courrier chez moi, tu vois. Je monte dans les étages, ben, s'il y a des lettres pour le premier, ça va. Mais s'il y a des lettres pour le deuxième et le troisième, quand j'arrive en haut, j'ai mal dans le dos. On était vraiment dans une discussion sérieuse. On a continué à marcher, mais on ne parlait pas. Puis on est arrivé au rond-point. Et puis lui, je crois qu'il habitait vers la rue des Abondances, près de la clinique de Renault. Il y avait une clinique là. On l'appelait la clinique des Forges. C'est là que les ouvriers qui se blessaient chez Renault étaient soignés. Alors je lui ai demandé, t'habites avant ou après la clinique ? Et il m'a dit après. Ah, j'ai dit, ça fait long pour venir à l'école. Ah, j'aime bien, ça me fait du bien. Et toi, t'habites là ? Moi, j'habite à la chaussée. Ah ouais. Et puis on s'est quittés. Je lui dis à tout à l'heure. Et oui, on se verra là. Ouais, ouais, on se verra là. Je t'attends. Le premier, il attend l'autre. Ouais. T'as mal dans le côté, là ? Non. Moi, oui. Ah. Pourtant, t'as pas monté les étages. Non. Alors, on s'est donné une bourrade. On a ri parce que... on était sans doute à la fois un peu honteux et contents. Lui, en partant, il a donné 2-3 coups de pied dans des pierres qui étaient par terre. Alors moi, j'ai voulu faire pareil que lui. J'ai donné 2-3 coups de pied dans des petits cailloux que j'ai rencontrés. Puis je me suis retourné pour regarder s'il m'avait vu. Et puis il m'avait vu, puisqu'il était en train de me regarder lui aussi. Ah, j'étais pas mécontent d'avoir un petit peu parlé avec lui. Pour moi, c'était même parler beaucoup. On a fait un petit bout de route comme ça, ça a duré quelques mois. Quelquefois, moi, je venais pas. Quelquefois, lui, il venait pas. Il y en avait d'autres qui venaient pas non plus. On était allé plus loin dans la discussion sérieuse. Je lui avais demandé s'il voyait le médecin, lui aussi. Alors, lui, dans son quartier, c'était pas le même médecin que le mien. Celui de ma mère, disons. Et j'avais su comme ça que sa mère, elle n'était pas là. Ça faisait longtemps qu'elle était partie. Alors je n'avais pas voulu demander où elle était. Parce que j'avais compris que ça le gênait. Que je lui ai seulement demandé, c'est ta mère qui voit le médecin. Alors après, il m'avait dit, c'est la sœur de ma mère qui maintenant reste avec nous à la maison. Mais tu le vois ou tu le vois pas, le médecin ? Ah oui, je le vois. Puis c'est tout. Non, oui, c'est tout. Et toi ? Ouais. Tu vas au dispensaire, des fois ? Ah oui, ça arrive, hein. Et toi aussi ? Ah oui, ça arrive. C'est rien, hein. Oh, c'est rien. Il te passe derrière la machine, là. Ouais. Puis il fait mettre la poitrine contre la vitre. Ouais. Bon, c'est rien. Non, c'est rien. Je suis toujours enrhumé. Et toi ? Moi, je suis toujours enrhumé. Ah ben, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Et quand t'es fatigué? Oui, et toi? Quand t'es fatigué, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, ça dépend. Et toi? Oh, bah, moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Des fois, je me mets à la table. Et là, tu... Alors là, je prends du papier. Il y a mon père qui m'amène du papier. Et puis... Avec... Avec de la couleur, je fais des... Je fais des petites choses comme ça. C'est moche. J'arrive pas, je salis tout. Et toi? C'est pareil. Tu fais toujours ça à la table, tu fais pas ça sur ton lit. Oh ben non. Et sur ton lit, qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Ah, tu restes assis. Non, je m'allonge. Et puis... Bah et toi? Oui, moi aussi, des fois, je vais m'allonger. Jamais tu dors. Oh si. Et moi aussi. Un jour, j'y ai regardé les yeux. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'était peut-être la première fois que je voyais les yeux d'un autre. J'avais bien regardé pourtant ma mère, mon père. Je les voyais. Mais lui, j'avais regardé ses yeux. Je ne sais pas comment c'était arrivé. J'avais commencé à le regarder, puis il n'a pas tourné la tête. Peut-être que c'est lui qui avait fait ce que moi je croyais. C'est-à-dire que c'était lui qui m'avait regardé, puis moi, je n'avais pas tourné la tête. C'est difficile à dire, ça. En tous les cas, c'était comme ça. Il avait la tête tournée de mon côté et moi, je le fixais. Et j'ai vu que... sur ses paupières, au bord de la paupière, là où il y avait les cils, il y était plein de boutons. Ça tombait bien parce que moi, j'en avais aussi sur mes lèvres. Alors j'ai pu lui dire, t'as des boutons? Il m'a dit oui. Toi aussi, mais ils sont pas au même endroit. En ce moment, je suis fatigué. Ouais, moi aussi. Et puis je sais pas pourquoi, mais en ce moment... Je sue. Oui, c'est pareil pour moi. Et même quand on est en classe, moi je te vois, moi aussi je te vois. Il fait trop chaud dans la classe. Ça, je suis pas sûr qu'il fasse chaud dans la classe. Les autres, ils ont pas chaud. On tournait autour de quelque chose qui ne pouvait pas se dire. Je ne pouvais pas, moi, rentrer à la maison et dire à l'un de mes parents, il y a Jules Duquesne. Il est comme moi, il sue beaucoup. Puis il a des boutons, mais pas à la lèvre, mais aux yeux. Je n'arrivais pas à dire ça. Par contre, j'étais arrivé à dire... Jules, il fait comme moi, il met son papier sur la table et puis il essaye avec ses pinceaux de ou ses crayons. Et c'est pas pour l'école, c'est pour lui, pour passer son après-midi. Ça, j'arrivais à le dire. Et puis j'avais comme réponse, c'est bien, bon. Mais si j'avais dit, il a des boutons. J'avais peur que ma mère me dise... T'approches pas trop. Parce que ça, elle le disait souvent. des camarades arriver avec un jeu nouveau, je comprenais pas. Avec Jules, je ne pouvais pas lui poser la question. Je suis pas certain que lui non plus, il ait compris ce qu'on lui disait. Le résultat faisait que c'était pas des mauvaises notes qu'on avait. C'était une observation. Et l'observation disait distrait, rêveur, n'écoute pas. Ce qui fait que j'ai passé des années à être, on peut dire, en retard, et comme je l'étais aussi sur au niveau de la force et de la résistance corporelle, j'étais aussi tout le temps en retard. Quand on montait les escaliers, tous les copains passaient à côté de moi. Hein, j'ai vu Jules rentrer bien longtemps après moi. Les dernières marches, il s'arrêtait, il soufflait. Et puis quelques secondes après, il en refaisait encore deux, trois, puis il s'arrêtait. Puis quelquefois, il s'asseyait sur les marches. Moi, je voulais rentrer avant lui. Je l'avais attendu quelquefois, puis il me semblait que si je l'attendais, je prendrais le même chemin que lui. Je m'arrêterais, puis une fois qu'on s'est arrêté, et qu'on s'est assis, surtout, quand on se relève, on a mal dans les jambes. Alors, à quoi ça me servait de rester là? Autant que je fasse un effort, que je m'arrête une fois, deux fois, et puis que je fasse les dernières marches d'un bond, comme pour me débarrasser de ce que je portais. Eh ben, lui, il pouvait plus faire peut-être les bons. On arrivait, on était en eau. Ouais. Et puis l'instituteur, il n'était pas là pour nous dire « Essuie-toi ». Puis on avait une gêne de s'essuyer, parce que les autres y regardaient. Ça les faisait sourire qu'on soit fatigué. Il y en a qui partaient de chez eux en courant, qui arrivaient à l'école en courant. Ils n'avaient pas une goutte de sueur. Ouais. Et ils n'étaient pas fatigués. Et ils n'avaient pas mal aux mollets. Quand Jules y rentrait après moi, il me semblait qu'il titubait tellement il avait mal aux jambes. Parce que Jules, il était très maigre. À la fin de sa vie, on pouvait dire qu'on cherchait Jules. Alors quand il rentrait dans la classe, puis qu'il s'appuyait sur les pupitres, il y en avait qui se foutaient de lui. Ou bien qui se mettait sur le côté pour pas être touché. Puis un jour, Jules, il n'est plus revenu. Ça pendait au nez. Demain, moi, maintenant, j'étais le dernier à rentrer dans la classe. J'ai laissé monter. J'essayais bien de rester avec eux dans le peloton. Je pouvais pas me mettre en tête, j'étais plus grand qu'eux comme taille. Alors je me mettais dans le milieu. On aurait dit qu'ils faisaient exprès. Puis ils aimaient monter les escaliers en courant. Et puis même l'instituteur, il est monté lui aussi en grandes enjambées. Il disait bien en montant, doucement, doucement les enfants, doucement. On ne bouscule pas. Mais il se bousculait. Puis il jouait. Puis on essayait de faire tomber l'autre. Et moi, j'essayais de monter comme eux. Mais je me faisais à chaque fois griller par un autre, un autre, un autre. Puis à chaque fois, il me donnait un coup de coude. Alors quand j'arrivais au palier, ben ils étaient déjà rentrés. J'avais entendu les plaques du pupitre se refermer. Ils avaient sorti les bouquins qui étaient dedans, ils étaient pris place. Et moi, je rentrais, j'étais là. Avant, quand il y avait Jules, il me laissait rentrer, c'était Jules qui guettait. Maintenant, il n'y avait plus Jules. C'est moi qui guettais. Puis l'idée stupide de l'instit aussi. Quand Jules est mort, on l'a su. On l'a su après. Il était déjà enterré, Jules. Quand on a su que Jules était mort, 2 jours après. On l'a su. Ben, l'instit, son idée, elle a été extraordinaire. Ça a fait la joie de tous les enfants. Vous direz à vos parents qu'un petit camarade, à vous, est mort. On va faire une petite collecte. Et puis, on ira porter ça à la maman de Jules. Et moi, je savais que la maman de Jules, elle, il n'y en avait pas, elle n'était pas là. J'avais dit à ma mère ça. Il a dit que demain, si on voulait, on donnerait tous quelque chose et puis on le porterait à la mère de Jules. Et j'avais ajouté à ma mère, tu sais, Jules, sa mère, on ne sait pas où elle est. Hein. Elle ne m'avait pas répondu. C'est encore quelques temps après que j'ai su que la mère de Jules, bon, elle était morte.